c'est un format, un format A4 blanc, et puis une règle. Il y a un instrument qu'on vend en librairie qu'on appelle le coton. Le couteau pour couper. Non, c'est pas les ciseaux. Parce qu'avec le ciseau, ça va être penché. Alors par le côté, c'est tout droit. Lorsqu'on dépose la règle, on trace les formes, les formes rectangulaires de l'agent de biais là. Dès que tu as fini de tracer, si c'est que tu veux montrer l'échantillon à ton client en 10 000, tu coupes en 10 000. Donc, puisque la grandeur de 10 000 n'est pas la même chose par rapport à la grandeur de 5 000, comme pour 1 000 francs. Si c'est que tu as la possibilité d'aller, comme on disait, on avait un langage qu'on dit exé. Bon, exé veut dire t'es trompé en général même. Si c'est que tu avais la possibilité de jeter, bon, d'aller exé avec un 5 000 ou avec un 10 000. Au fur et à mesure que tu lèves le niveau, ça convainc plus le client. Si par exemple, je viens te montrer des chantiers avec 500 francs, donc, tu ne seras pas. Tu utilises vraiment cet argent, le vrai. Le vrai argent. Donc, je veux dire, comme un sacrifice. Tu vois un peu, bon, avant ça, tu coupes d'abord la forme de l'argent. Sur le format blanc. Sur le format blanc. Oui. Tu coupes comme ça, là, deux. Oui. Deux biais en blanc. Oui. Tu poutres. C'est-à-dire, tu prends la non, au fait. Comme il y a plusieurs manières, je veux parler un peu d'une manière esthétique, une manière normale. Oui. Tu prends maintenant de l'huile d'arachide, tu mélanges avec le diluant pour rendre ça un peu bien fine, parce que l'huile est un peu lourde, le diluant va venir encore bien rendre ça. Dès que tu as mélangé de l'huile d'arachide avec le diluant, tu prends un coton, tu trempes ça sur le mélange là. Et puis on imbibe. Après tu nettoies. Tu nettoies sur l'argent, sur le format blanc. Oui, ça devient un ça peu devient blanc comme un léger et transparent. Oui. Ça quitte directement du format blanc, du papier blanc. Oui. Ça devient maintenant, ça prend maintenant un style calcaire, un style normal, bien jusqu'à ce que tu ne peux pas imaginer que le papier blanc. Et quand tu poudres maintenant encore. Oui. Tu poudres. Oui. Et dès que tu as fini de poudrer, tu mets dans un. Bon, tu selles. Oui. Dans un plastique blanc pour rendre ça encore plus esthétique. Oui. Pour que quand tu arrives devant le client, tu dis que bon, j'ai travaillé à la bague et j'ai eu à détourner quelques. Bon, voilà l'échantillon. Oui. Et quand le client voit comme ça, il voit comment c'est d'abord protégé. Oui. Et avant même de lui montrer cela, tu mets d'abord les gants même. Oui. Bon, tu rends la chose valable. Oui. Tu mets les gants qu'on vend en pharmacie. Tout ça, c'est la manipulation. La manipulation. Oui. Et tu mets même certains, tu mets même. Si c'est pour protéger ton nez. Même cache-nez même en général, tu mets même pour le client aussi là. Oui. Tu le mets aussi les gants. Oui, pour qu'il touche pour montrer que c'est délicat. Pour montrer que c'est délicat. Permets-moi de lire encore ces versets là. Verset 5. Des chapitres 21 du Proverbe, chapitre verset 6, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Amen. Verset 21 du chapitre 20, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. Oui. Donc, on est devant le client, il faut convaincre. On est devant le client. Et pour le convaincre, il faut que tu utilises les manières stratégiques, les manières d'élégance, les manières. Quand tu t'habilles, même on ne sait pas que tu as faim. Effectivement. On doit savoir que tu es quelqu'un qui travaille vraiment dans l'argent. Oui, que tu te connais. Effectivement. C'est pour ça que ces fémaniens, ils prennent vraiment du soin par rapport à leur peau. À leur peau, à leur entretien comme ça. Oui. Et quand tu es en face du client et que tu lui as remis cela. Comment vous obtenez les clients? Puisqu'il a dit que son marchandise, que son. Comment on cible? Les clients, en général, sont obtenus par tous ceux qui sont cupides. Oui. C'est pour ça que le Seigneur, plus tard, j'ai compris que si quelqu'un n'est pas cupide, ça ne peut pas l'attraper. On a même eu à arnaquer même les soi-disant prêtres. Prêtres. Même les soi-disant religieux. Même les imams. Même les imams. Oui. Tu vas nous expliquer ça, comment vous en faites. Toute personne qui ne vit pas le contentement sera anarchie. Oui. Là, si c'est que ce n'est même pas par cette forme qu'on étudie, parce qu'on a vu plusieurs. On a été les marabouts, même on a été même des astronautes, on a toute casquette. Bon, en fonction de ton besoin, on devient ta solution. Ou devenir la solution. La solution, Si c'est qu'on se rend compte que tu aimes les marabouts.